soleil de ma vie. Tu es le soleil de mes jours. Depuis plus d'un million d'années, c'est comme si nous nous étions trouvés en nous cherchant depuis la nuit des temps. Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil.